Ok. On est gouverné par des couleurs, des chauves, des mecs, des gros et des grands. Imagine un peu la gueule de ton père. Si ces messieurs avaient les cheveux verts, si ces messieurs avaient les cheveux verts. Colère sur Paris, na na na, il est temps de changer, na na na na. Qui est triste à tuer. Prends des bombes de peinture et bombe tout. Écris ce que tu penses sur les murs. Écris ce que tu penses sur les murs. Que la soirée, na na na. Il est temps de changer. Paris, ainsi Bombay serait bien.